exemple de la propriété que l'argent possède. Moult faire l'argent, moult il est d'aimer, l'amour il est des gens, les maladroits il rend bon et bonne affaire. Il fait courir les manchots et les sourds il fait parler. Celui qui n'a pas de main, l'argent veut aussi. Si un homme est naissant et rude, laboureur, l'argent le font, les argents le font. Aristocrate et sage, les argents le font. Illustre et songeur, quand plus il a d'argent, autant il est autant et de plus valeur. Celui qui n'en a pas n'en est pas de lui-même seigneur. Il est des mains, naissant de posséder. Si tu avais, si tu étais argenté, ici, tu serais consolé, tu serais consolé. Plaisir et joie et la raison du pape. Tu achèteras le paradis, tu gagneras le salut. Où il y a plus, où il y a beaucoup, grande la bénédiction, j'irai à Rome, où est la sainteté que tous à l'argent font humilité. Grande est l'honneur qu'il les faisait avec solennité, tous s'humilier comme devant une majesté. Il y avait des prieurs, des évêques et d'abbés, archevêques, docteurs, patriarches, potestés, et moult clergés, naissant leur donner la flatterie et la béatitude. L'argent leur donnait pour bien examiner, et les pauvres disaient qu'ils n'étaient pas lettrés. Ils donnaient jugement, beaucoup de corruption avec mauvais avocats qui lui appartenaient à avoir mauvais procès et faire la révérence à la non-vérité. Ah, en revanche, pour argent, beaucoup sont pénitents. L'argent brise les chaînes. L'argent brise les chaînes. Enlève la potence et les pressions trop dangereuses. Celui qui n'en a pas, il est emprisonné par tout le monde qui lui fait des choses merveilleuses. Je vais vous faire des merveilles là où il y avait de l'argent. Arcipreste de Ita, Libro del Buen Amor.